الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On fait le cours saint aujourd'hui dans le livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم le شرح de le تعليق de Cheikh Al-Fawzan de ce livre là. Cheikh Al-Fawzan il dit, on va continuer à partir de l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois. Le sujet du livre, c'est quoi? C'est à propos du fait que les croyants doivent se distinguer des non-croyants. Les croyants doivent se distinguer des non-croyants parce que le fait de leur ressembler, c'est quelque chose qui amène le croyant à s'éloigner petit à petit de sa religion. Qui fait en sorte que le croyant, il s'éloigne peut-être petit à petit de la foi. Et à force de les ressembler dans les apparences extérieures, ça amène le musulman à essayer même de leur ressembler dans les choses intérieures par la suite, dans les choses même de la croyance. Et c'est pour ça qu'on voit que parmi les musulmans, beaucoup d'entre eux sont tombés par la suite dans des formes d'idolâtrie, des formes de shirk dans la croyance et dans la pratique, à force d'avoir imité petit à petit les koufars, que ce soit des juifs ou des chrétiens ou des gens de d'autres religions. Eh bien, tu vois que dans les pays musulmans aujourd'hui, beaucoup de gens, ils prient à des morts, ils adorent des tombes, ils font des pèlerinages à des cimetières ou à des mausolées ou à des endroits où il y a eu des tombeaux. Ils vont là-bas pour chercher la bénédiction, pour obtenir des biens de celui qui est mort en croyant que ce sont des saints ou des choses comme ça. La raison de ça, c'est parce qu'ils ont justement imité les peuples qui ont dévié dans leur croyance auparavant. Et à force de les imiter dans des choses, au début peut-être ça pouvait sembler comme étant des choses secondaires, mais à la fin, ils ont commencé même à leur ressembler et à les imiter même dans leurs pratiques religieuses, dans leurs croyances religieuses. Des peuples païens, exactement. Donc, c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit ce livre-là. Et là, il a fini d'expliquer les preuves du Coran et les preuves de la Sunna. Là, il a donné les exemples des paroles des Sahaba. Et là, il explique les preuves de l'Ijma' à ce sujet-là. On a déjà mentionné beaucoup d'exemples. Et là, il est en train d'expliquer certaines paroles des Sahaba, comment ils ont tous supporter ce principe-là, et ils ont tous établi cet aspect-là de la religion. Et donc ici, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « وَهُوَ الَّذِي مَنَعَ أَهْلَ الْبِدَعْ مِنْ أَنْ يَنْبَهُ وَأَلْبَسَهُمْ ثَوْبَ الصَّغَارِ حَيْثُ فَعَلَ بِصَبِيغِ ابْنِ عَسَلَ التَّمِيمِ مَا فَعَلَ فِي قِصَّتِهِ الْمَشْهُورَةِ وَسَيَأْتِي عِنْدَ ذِكْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم وما يتبين به ثبوت قوة سكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم ثم كان عمر رضي الله عنه قد قرره من السنن والأحكام والحدود فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. Donc il explique que il a interdit Omar ibn al-Khattab les gens de l'innovation, les gens de la bid'a, ceux qui inventent des choses dans l'islam. Hein, il les a interdits de proliférer et de propager leurs innovations. Et il les a fait, il les a rabaissés et humiliés. Et l'exemple de ce qu'il a fait avec Sabir ibn Asal al-Tamimi, c'est un exemple célèbre. Son histoire, elle est connue. Et on va la mentionner plus tard, Inch'Allah. Cheikh, il dit, on va la mentionner plus tard. Et il dit en particulier avec qu'est-ce qui a rapport avec les célébrations des non-musulmans, les célébrations des koufars, et comment Omar ibn al-Khattab a mentionné l'interdiction d'entrer parmi eux alors qu'ils célèbrent leurs fêtes. Hein? Tu ne dois pas participer à ces fêtes-là. Et l'interdiction également d'imiter l'accent des non-musulmans et d'essayer de parler comme eux et de leur ressembler. Et Omar ibn al-Khattab, tout ce qu'il a approuvé, tout ce qu'il a établi de ces choses-là, c'est des choses qu'il a tirées des règles de l'islam. Et Othman ibn Affan, l'autre parmi les khulafa qui l'a succédé, il a approuvé de tout ce que Omar avait établi à ce sujet-là. Et il a été d'accord avec tout ce qu'il a fait dans ces choses-là. Après, Cheikh Al-Fawzan, il dit, « فَعُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَابَ عَلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ مُضَاهَةَ الْيَهُودِيَّةِ لأن الصخرة هي قبلة اليهود والنصارى كانوا يستقبلون المشرق والمسلمون يستقبلون الكعبة المشرفة ولقد توجهوا إلى بيت المقدس 16 شهرا في أول الإسلام ثم نسخت القبلة وحولت من استقبال البيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة بأمر الله سبحانه وتعالى حيث قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إذن العمل يكون بالناسخ لا بالمنسوخ ومن بقي على العمل بالمنسوخ يكون كافرا لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين فعمر رضي الله عنه فطن ذلك فلم يجعل الصخرة بينه وبين الكعبة لأن لا يشبه فعله من يصلي إلى الصخرة من اليهود لأن لا يحتج به من يحتج فيما بعد لأن لا يحتج به من يحتج فيما بعد يعني فعمر رضي الله عنه لحذقه أو لحذقه وفطنه وفطنته قطع هذه الذريعة واعتبر هذا من مضاهة اليهود. Donc le cheikh il parle du passage précédent. Lorsque Omar ibn al-Khattab lorsqu'il est arrivé en Palestine, les gens de Palestine avaient invité Omar ibn al-Khattab pour lui remettre les clés de la ville. Hein, quand les musulmans ont conquéri la région de Cham, quand ils ont pris la ville, ils ont dit on va remettre les clés de la ville uniquement à Omar ibn al-Khattab parce que c'était lui le khalifa. Donc il est venu jusque là pour recevoir les clés de la ville. Et une fois arrivé à Bayt al-Maqdis, Il a demandé conseil aux sahabes, où est-ce qu'on va prier? Où est-ce que je devrais me placer pour faire la salat? Où est-ce que je devrais me placer pour diriger la salat? Et Ka'b al-Ahbar, il lui avait conseillé de prier derrière As-Sakhra, derrière le rocher. Et lui, Omar ibn al-Khattab, il a dit non, parce que si je prie derrière le rocher, vers la Qibla, alors dans ce cas-là, j'imite les juifs. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis au devant. Il s'est mis en avant du rocher. Et il a nettoyé la place et il a fait la salat. Et donc, il n'a pas aimé l'idée de se diriger vers As-Sakhra parce que c'est les juifs qui priaient vers le rocher. Et donc lui, il n'a pas aimé ça. Et le cheikh, il explique que quand les musulmans sont arrivés à Mecca, Quand ils sont arrivés à Médine, ils ont prié vers Bayt al-Maqdis au début, vers le nord. Puis l'ordre est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que les musulmans se tournent vers la Kaaba. Donc ils ont fait 180 degrés, puis ils se sont tournés vers le sud et ils ont prié en direction de la Kaaba par la suite. Donc prier vers Bayt al-Maqdis, c'est plus acceptable, ça a été abrogé. Et si quelqu'un continue à prier vers Bayt al-Maqdis après l'abrogation, dans ce cas-là, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Parce qu'il a démenti Allah, il a démenti son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il a renié le consensus des musulmans. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lui, il a compris ça. Hein? Donc il n'a pas voulu mettre le rocher devant lui, entre lui et la Kaaba, pour pas imiter les juifs qui priaient vers ce rocher là hein, et pour pas que les gens après lui se basent sur son action pour continuer à faire ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Avec son intelligence, il a voulu couper cette porte hein, il a fermé cette porte complètement, et il a considéré que de prier devant le rocher hein, c'était une imitation des juifs. Donc il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, quand tu regardes les photos de la Palestine, souvent ils te montrent la photo de du rocher, la mosquée du rocher. La mosquée bleue avec le dôme doré, ça c'est la mosquée du rocher. C'est pas Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis, c'est la mosquée, elle est en avant du rocher, hein, la mosquée du rocher. Donc beaucoup de gens savent pas ça. Donc il y en a qui disent non, c'est toute l'esplanade, toute l'espace là qui est la mosquée ou qui est Beit al-Maqdis. Mais l'important c'est quoi? C'est de comprendre que l'endroit où Omar il s'est placé pour prier, c'était en avant du rocher, pas derrière. Hein? Et ce rocher là, il n'a aucune importance pour nous, aucune valeur pour nous, dans le sens que nous on n'a pas une croyance particulière ou spécifique par rapport à ce rocher là. N'a pas d'importance pour nous. C'est les juifs qui se tournaient vers ce rocher-là pour prier, hein, pas les musulmans. Et le cheikh il dit wa qawluhu wa qad kana li Umar fi hadha al-bab min as-siyasat al-muhkama ma hiya munasiba. يعني المقصود ان عمر رضي الله عنه كان له بعد نظر وفراسه اختص بها رضي الله عنه حتى قال صلى الله عليه وسلم فيه قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر ابن الخطاب منهم وقد وافقه القرآن في مسائل قال بها مثل حجاب النساء النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الأسرى في بدر وعدم قبول الفدية منهم فله موافقات كثيرة موافقات كثيرة مما يدل على فضله وحنكته وفراسته الصادقة وسياسته الموفقة في خلافته رضي الله عنه ومن ذلك أنه فطن لمسألة جعل الصخرة بينه وبين جعل الصخرة بين يديه لأنه لو جعل الصخرة بين يديه بينه وبين الكعبة لأوهم ذلك أنه يستقبل الصخرة فتجنب هذا دفعا لهذا الإيهام. Donc le cheikh il explique que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a eu beaucoup de politiques très sages, hein, qui étaient bien dans son khilafa. Et il veut dire que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il avait un regard très loin. Il voyait très loin, hein. Il était très prévoyant. Et il avait en même temps une bonne intuition, hein. Il sentait des choses, des fois, il pouvait avoir un pressentiment de quelque chose, puis il avait raison dans plusieurs des cas. Et l'exemple de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Umar, il dit que dans tous les peuples, il y a des gens qui sont inspirés comme ça. Et que s'il devait en avoir dans ma umma, s'il devait y en avoir un dans ma umma, ça aurait été Omar ibn al-Khattab. Hein? Et il dit que le Coran est venu confirmer sa position à plusieurs reprises. C'est-à-dire que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a pris une position, il avait une opinion, et le Coran est venu confirmer que c'est lui qui avait raison. À plusieurs reprises, c'est arrivé pendant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple du hijab pour les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il a dit, ô messager d'Allah, les gens rentrent chez toi, et parmi eux, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et ils voient tes femmes et tout. Ce serait mieux si elles se voilaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset pour ordonner aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se voiler. L'exemple aussi dans après la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Badr, il y avait des prisonniers qui avaient été pris après la bataille. Et il y en a qui disaient non, il faut les libérer. Hein, il faut les laisser. Et d'autres ont dit non, il faut les tuer, il faut pas les laisser, il faut pas les libérer, ces prisonniers là. Et ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de les libérer, il a décidé de les échanger, de les laisser partir contre une rançon. Et ben qu'est-ce qui est arrivé? Allah il a fait descendre un verset pour dire que c'est Omar ibn al-Khattab qui avait raison et qu'il ne fallait pas les laisser. Parce que par la suite, ceux qui ont été libérés, ils sont revenus par la suite pour encore une fois combattre les musulmans, hein, et faire du tort aux musulmans. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc c'est pour dire que ça c'est un autre exemple. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qui montrent comment Omar ibn al-Khattab il avait une bonne intuition et il sentait les choses. Il avait un bon jugement et il avait une politique, une bonne politique, une bonne gestion des affaires durant son khilafa. Et il a également donc compris dans la question du rocher, quand il est arrivé en Palestine, qu'il fallait pas se mettre devant le rocher pour prier, qu'il fallait se mettre devant le rocher, parce que sinon, s'il mettait le rocher entre lui et la Kaaba, eh bien les gens après lui ils allaient prendre ça comme exemple, puis ils allaient se tourner vers le rocher. Et il a voulu éviter ça pour justement éliminer l'idée qu'il prenait le rocher comme direction pour faire la prière. Et ensuite il dit wa qawluhu fa innahu radiyallahu anhu huwa alladhi istahalat dhanub al-islam bi yadihi gharban. An-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ra'a fi manamihi anna Aba Bakr yanzi'u wa fi naz'ihi da'f. وليس هذا لقلة فضله وجهاده رضي الله عنه ولكن لقصر مدته في الخلافة ولكن خلافته دامت سنتين وأشهرا وفي خلالها ثبت الإسلام ودعائم الدولة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد حروب الردة فلم يتح له أو يتح له من الفتوحات كما أتيح في عهد عمر فلما جاء عمر رضي الله عنه وهو الرجل القوي المهاب واصل الجهاد في سبيل الله حتى فتح الله على يديه المشارق والمغارب فاستحالت ذنوب الإسلام والذنوب هو الدلو الذي يستسقى من البئر بيده غربا يعني ولا شك أن الغرب أكبر من الذنوب فهي تحمل ماء كثيرا فشرب الناس وارتووا وبركوا بوطن وهذا تشبيه بالإبل إذا رويت وهذا تشبيه بليغ لقوة سياسته لقوة سياسة عمر رضي الله عنه وحنكته بعد وبعد نظره للأمة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى عبقريا والعبقري هو الداهية يثري فريه يعني لم أرى مثله في الحذاقة والقوة وقوله فأعز الله به الإسلام وأذل الكفر وأهله لأنه هو الذي فتح المشارق والمغارب ونشر الإسلام وأذل الله به أهل الكفر واليهود والنصارى حتى أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فغدت دولة الإسلام في عهده واسعة عزيزة مرهوبة مرهوبة الجانب. فانطبق عليه قول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. وقوله: ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام، يعني أن من من حذقه رضي الله عنه أنه منع من كل أمر يكون وسيلة إلى نقض عرى الإسلام، حرصا منه على سد الذرائع التي تفضي إلى كل محظور أو شرك أو محرم. Donc pour résumer qu'est-ce qu'on a lu, il explique que c'est pendant le khilafa de Omar ibn al-Khattab que l'empire de l'islam a commencé à s'étendre de plus en plus. Et le khilafa de Abu Bakr, il y a eu une faiblesse dans le sens qu'il n'a pas duré longtemps. Son khilafa de Abu Bakr, il a duré seulement deux ans et quelques mois. Donc il n'y a pas pu y avoir beaucoup d'expansion de territoire durant son époque. Mais quand même, il a fait la guerre contre les gens qui avaient apostasié et contre les gens qui avaient fait de la fitna à son époque. Et il a gardé quand même l'islam solide pendant son khilafa. Mais c'est pendant le khilafa de Omar ibn al-Khattab que vraiment les musulmans ont commencé à faire des conquêtes et à commencer à grandir les territoires de l'islam vers l'est, vers l'ouest, Et c'est ça ce que le cheikh il est en train d'expliquer ici. Et ça c'était à cause de sa politique intelligente et forte. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à cause de son intelligence et de sa force. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu l'islam puissant par Omar ibn al-Khattab et il a humilié la mécréance et les gens de la mécréance et il a fait que l'islam se répande et prenne de l'expansion et l'islam s'est propagé et des gens sont entrés dans l'islam encore plus et les gens de la mécréance et les juifs et les chrétiens eux se sont écrasés, sont devenus de plus en plus humiliés et faibles. Et ils ont donné la capitation de par leurs mains, en se rabaissant, en se faisant petits. Et la terre de l'islam et les pays musulmans ont commencé à devenir de plus en plus vastes. Et ça, c'est ce qui confirme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le croyant qui est fort, il est meilleur que le croyant qui est faible. Il est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Mais dans les deux, il y a du bien. C'est-à-dire dans le croyant fort et dans le croyant faible, dans les deux, il y a du bien. Mais le fort, il est plus aimé et il est meilleur. Il est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et il dit, « وَقَوْلُهُ وَمَنَعَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ » Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a empêché et stoppé tout ce qu'il pouvait affaiblir le câble de l'islam. Et donc, il a fermé la porte à tout ce qui pouvait venir ramener quelque chose qui était interdit ou qui avait un lien avec le shirk ou bien quelque chose qui était mauvais. Il était vraiment ferme dans ces choses-là. Il dit « وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ عِنْدِهِ » في سياسته وآرائه وأوامره ونواهيه وإنما هو وقاف عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجاوزهما مع فهم لمقاصد الشريعة وأهدافها وكان وقافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدل على وقوفه عند كتاب الله وسنة رسوله أنه كان إذا غضب وذكر بالله أمسك ولم يتجاوز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que on sait très bien que tout tout ce qu'il avait comme jugement et comme intelligence et tout ce qu'il a fait comme bonne politique et autres et bonne opinion et ordonnant ordre et interdiction, tout ça il l'a tiré du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que il était quelqu'un qui s'arrêtait aux limites de ce que Allah a ordonné et son messager. Donc il s'arrêtait lorsque Allah et son messager disent une chose, il s'arrête. Il ne dépasse pas la limite d'Allah et de son messager. Donc la preuve de ça, c'est que parfois il se mettait en colère pour quelque chose, puis aussitôt qu'on lui rappelait un verset ou un hadith, il s'arrêtait, il se retenait. Il continuait pas, il se laissait pas aller par la colère. Donc ça c'est un exemple. Et en même temps, il avait une bonne compréhension des objectifs de la charia. Ce qui fait qu'il était capable de faire des ijtihads qui étaient bénéfiques et qui étaient grandes, qui étaient importantes pour les musulmans. Et wa qawluhu muhtadiyan hadwa sahibayhi. Yani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr رضي الله عنه وقوله ومشاورا في أموره السابقين الأولين يعني أن من حسن سياسته رضي الله عنه أنه لم يكن يستبد بالأمر وإنما يستشير أهل الفضل والعلم وأهل السابقة في الإسلام فكان يستشير كبار المهاجرين والأنصار إذا حزبه أمر أو وقعت واقعة أو استجدت قضية كاستشارته بقية العشرة وغيرهم من الصحابة كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل والعبادلة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وزيد بن ثابت الأنصاري وكاتب الوحي والكاتب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لهم سابقة في الإسلام وهم أثبتوا قدما في الإسلام والعلم من غيرهم، فكان يستشيرهم وكذلك غيرهم لا لذواتهم ولا مجاملة لهم، وإنما لما لهم من الفضل وسداد الرأي والعلم والفقه والتقوى لله عز وجل. وهكذا ينبغي للولاة أن يستشيروا أهل العلم والفضل. Donc le cheikh il explique comment Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu il prenait le conseil et la consultation des musulmans qui étaient anciens dans l'islam et qui avaient été parmi les premiers croyants dans la religion. Et ça fait partie des beaux aspects de sa politique. Comment il n'était pas quelqu'un qui voulait uniquement s'imposer, mais au contraire, il prenait le conseil des gens de mérite et de science, parmi les gens qui avaient précédé dans la foi et dans l'islam. Et il réunissait les grands parmi les muhajirines et les ansars, et il s'assoyait avec eux pour avoir leur conseil et leur opinion lorsqu'il y avait un événement ou lorsque s'était produit quelque chose ou lorsqu'il avait une situation difficile, il demandait le conseil. Et c'est pour ça qu'il avait demandé le conseil, par exemple, des 10 parmi les grands sahaba de l'époque, Ubay ibn Ka'b et Mu'adh ibn Jabal et Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Zayd ibn Thabit et d'autres également parmi les sahaba. Et يعني pour quelle raison? Pas parce que il veut يعني les amadouer, ou pas parce qu'il veut quelque chose de leur personne à cause d'eux-mêmes, non, mais uniquement à cause de leur mérite, à cause de leur science, à cause de leur compréhension, de leur piété. Et donc il dit le cheikh que wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatuh, il dit que les dirigeants ils doivent suivre cet exemple là et prendre le conseil, wa alaykoum assalam wa rahmatullah, prendre le conseil des hommes de science, des gens de mérite dans ces choses là parce que c'est très important. Puis il dit wa qawluhu wa hatta inna al-umda fi ash-shurut ala ahli al-kitab ala shurutihi falladhina ja'u ba'da Umar رضي الله عنه مشوا على طريقته في الشروط على أهل الكتاب، وهذا يدل على فقهه وحصافة رأيه، حصافة رأيه وموافقته للكتاب والسنة. ومن حسن سياسته رضي الله عنه منع تولية الكفار شؤون المسلمين الخاصة التي تشتمل على أسرارهم، لذلك لا يجعل الكافر وزيرا أو مستشارا عند ولي الأمر، ولكن لا مانع أن يستأجر الكافر لعمل من الأعمال، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقت ليدله على الطريق إلى المدينة، وقد كان كافرا، فلا مانع من الاستفادة من خبرات الكفار، لكن لا يمكنون من شؤون المسلمين وأسرارهم، لأنهم لا يؤمن جانبهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فعمر رضي الله عنه لم يتخذ من هؤلاء بطانة، بل إنه أنكر على أحد الصحابة الفضلاء وهو من أكابر الصحابة لما اتخذ كاتبا نصرانيا حاذقا في الحساب، فقال له: اجعل بدله مسلما. فراجعه الصحابي في ذلك فقال عمر: اعتبره مات فاصنع ما أنت صانع. Donc ici le cheikh il explique aussi que parmi les bons exemples de sa politique, c'est qu'il ne mettait pas des mouchriquins et des kuffars pour faire des travaux dans l'État où ils vont être au courant des secrets des musulmans et des choses qui sont privées, des choses des musulmans, des secrets d'État ou des choses comme ça. Donc ils vont pas placer, il ne va pas placer par exemple un kafir comme ministre ou comme conseiller du dirigeant ou des choses comme ça. Mais il n'y a aucun problème, par contre, d'employer un non-musulman pour faire un travail quelconque. L'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris Abdullah ibn Urayqit, qui n'était pas musulman, mais il l'a employé comme guide pour se diriger dans la hijra. Quand il a quitté la Mecque pour aller vers Médine, il a payé cet homme-là, qui était un mouchrik, mais qui était honnête, pour le diriger jusqu'à Médine, à travers les routes et les chemins. Donc ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas de mal de profiter des expériences des non-musulmans quand ils sont honnêtes et qu'ils veulent faire un travail pour les musulmans. Il n'y a pas de mal. Mais par contre, quand c'est des choses qui ont rapport avec les secrets des musulmans et des choses de ce genre, là, dans ce cas-là, il faut s'abstenir. Et il a cité le verset 118 à ce sujet-là dans Surat Al-Imran. Et on va lire ça, puis après on va s'arrêter pour la salat, inshallah. Le verset 118, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-mêmes. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Donc, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il n'avait pas accepté de prendre donc ce genre de personnes pour faire le travail. Et une fois, il a critiqué un d'entre les sahabes, justement, qui avait pris un scribe chrétien, qui connaissait bien la comptabilité, les trucs comme ça. Il a dit: non, mets un musulman à la place. Et donc le musulman il a dit à Omar: considère-le comme s'il était mort, en voulant dire comme si je vais l'enlever, je vais pas le garder comme scribe, comme je suive ton conseil. Donc c'est ça, on va s'arrêter ici, puis on va continuer la semaine prochaine inchallah la suite de ce passage là. C'est un passage très intéressant et très important au sujet de